C'est des coups de bite, des coups de gland à tous les cours. Ces grosses salopes, je te leur foutrais une grosse queue dans leur cul. Mais je suis bourru, elles aiment bien plus que moi. Alors tu vois ce qu'il faudrait pour les hommes, une poignée avec des yeux genre satisfaits, une bouche pour sucer, des gros seins pour bander, deux trous de fesses et puis les jambes, et puis c'est tout. Et pour les femmes, ça devient un peu plus compliqué. Elles veulent quelqu'un pour... et pour... et pour... écoutez, écoutez, écoutez toute leur connerie à débiter, qu'ils leur fassent oui à tous les coups, qu'ils les regardent en salivant pour le matériel, une bouche pour leur bouffer la touffe, des doigts pour les caresser dans leur intimité, qui n'est plus si intime que ça. La langue pour leur frotter le clitoris, ça va de soi. Puis des tablettes de chocolat et des mâles démolies. Je sais pas pourquoi, puis deux fesses et deux billes, sans couilles, rien qu'une réserve de sperme pour les éclopser. Je sais pas si elles aiment avaler enfin. Les femmes sont bien trop compliquées. Les hommes, tu les fais gicler, ça y est, ils vont se coucher. Et ouais, le caca, c'est comme le chocolat, ça colle aux doigts, les femmes. les âmes. Je veux ci, je veux là, je veux rien du tout, puis j'en ai rien à foutre de tout. On n'est plus sur le même monde, je suis une grosse putain qui pense qu'à se faire payer. J'aime plus la bite, mais je veux de l'argent. J'aime l'argent. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour du pognon? Des tonnes de fuel dans son gazon. Montrer son cul aux informations. Pourriture, putain. Mais qu'est-ce que t'as foutu? Putain, au fond, tu voulais quoi? Tu vois bien qu'elle voulait de toi, etc. Je veux ci, je veux là, je veux rien du tout, puis j'en ai rien à foutre de tout.